Chamuel, l'archange de l'amour divin et des relations harmonieuses. Chers amis de l'âme, après notre voyage enrichissant à la découverte de l'archange Uriel, j'ai senti un nouvel appel, doux et chaleureux, résonner dans mon cœur. Cette fois-ci, c'était l'invitation à explorer les domaines de l'amour et des relations harmonieuses, guidée par l'archange Chamuel. Laissez-moi vous emmener dans ce périple spirituel où j'ai rencontré des âmes inspirantes et visité des lieux imprégnés de l'énergie bienveillante de Chamuel. La première rencontre avec Chamuel. Mon voyage a débuté dans un magnifique jardin de roses à Grasse, en France. Alors que je me promenais parmi les fleurs parfumées, j'ai ressenti une présence douce et réconfortante. Soudain, une brise légère a caressé mon visage et j'ai entendu un murmure mélodieux, Chamuel. À cet instant, j'ai su que l'archange de l'amour avait répondu à mon appel. Chamuel, dont le nom signifie celui qui voit Dieu ou celui qui cherche Dieu, est souvent représenté avec une flamme rose, symbole de l'amour divin. Cette première rencontre m'a fait comprendre que Chamuel est toujours prêt à nous aider à cultiver l'amour dans nos vies, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Chamuel à travers les âges et les cultures. Ma quête pour mieux comprendre Chamuel m'a conduite à rencontrer diverses personnes de sagesse, chacune apportant sa propre perspective sur cet archange fascinant. Ma première rencontre fut avec Sœur Marie-Thérèse, une religieuse catholique vivant dans un couvent en Italie. Dans le jardin paisible du monastère, elle m'a parlé de la tradition chrétienne où Chamuel est perçu comme l'ange de l'amour pur et de la compassion. Chamuel, m'a-t-elle expliqué en caressant les pétales d'une rose, est celui qui nous aide à voir la beauté divine en toutes choses. Il nous guide vers l'amour inconditionnel, celui que le Christ enseignait. Ensuite, lors d'une discussion avec Amira, une pratiquante soufie au Maroc, j'ai découvert une perspective fascinante sur Chamuel dans la tradition islamique. Dans le soufisme, m'a-t-elle confié, nous ne nommons pas spécifiquement Chamuel, mais nous reconnaissons une force angélique qui guide vers l'amour divin. Cette force nous aide à voir au-delà des apparences et à aimer toute la création comme une manifestation de l'amour de Dieu. L'art et la présence de Chamuel. Dans une galerie d'art à Paris, j'ai fait la connaissance de Sophie, une artiste dont les œuvres sont inspirées par l'énergie des anges. Elle m'a raconté comment Chamuel l'a aidée à surmonter une période difficile dans sa vie amoureuse. J'étais au bord du désespoir après une rupture douloureuse, m'a-t-elle confié. Un soir, alors que je peignais, j'ai senti une présence apaisante. Une douce lumière rose a envahi mon atelier. J'ai su que c'était Chamuel, m'apportant réconfort et guérison. Depuis ce jour, mes peintures sont imprégnées de cette énergie d'amour et de compassion. La guidance de Chamuel dans les relations. Ma quête m'a également conduite à rencontrer le docteur Elena, une thérapeute de couple renommée à New York. Elle intègre la sagesse de Chamuel dans sa pratique pour aider ses clients à surmonter les défis relationnels. Chamuel est le guide des cœurs blessés, m'a-t-elle dit. Je l'invoque souvent lors de mes séances de thérapie. Son énergie apporte compréhension, pardon et une nouvelle perspective sur l'amour. Il nous rappelle que l'amour véritable commence par s'aimer soi-même. Une expérience personnelle de l'amour divin. Un soir, alors que je méditais sur tout ce que j'avais appris sur Chamuel, j'ai eu une expérience bouleversante. Une lumière rose douce a rempli la pièce et j'ai ressenti une vague d'amour inconditionnel m'envelopper. Dans cet état de grâce, j'ai reçu une compréhension profonde de l'interconnexion de toutes choses et de la puissance de l'amour pour transformer nos vies. Invoquer Chamuel. Après cette expérience, j'ai commencé à intégrer Chamuel dans ma pratique spirituelle quotidienne. Je voudrais partager avec vous une prière simple qui m'a aidé à me connecter avec cet archange de l'amour. Archange Chamuel, gardien de l'amour divin, je fais appel à votre présence bienveillante. Guidez-moi vers une compréhension plus profonde de l'amour véritable. Aidez-moi à voir la beauté en moi-même et dans les autres. Que votre lumière rose dissipe mes peurs et mes jugements. Je vous remercie pour votre amour inconditionnel et votre guidance. Amen. Pour amplifier cette connexion, je recommande de méditer avec une bougie rose, symbolisant l'amour de Chamuel, et d'utiliser des huiles essentielles comme la rose ou le géranium, qui peuvent créer une ambiance propice à l'ouverture du cœur. Rencontre avec une guérisseuse des cristaux. Mon voyage m'a ensuite mené à Sedona, en Arizona, où j'ai rencontré Luna, une guérisseuse travaillant avec les cristaux. Elle m'a expliqué comment certaines pierres peuvent amplifier l'énergie de Chamuel. Le quartz rose est particulièrement puissant pour se connecter à Chamuel, m'a-t-elle dit en me montrant un magnifique cristal. Il ouvre le chakra du cœur et favorise l'amour de soi et la compassion. La morganite est aussi excellente pour invoquer l'énergie de Chamuel et attirer l'amour dans notre vie. Luna m'a appris à méditer avec ses cristaux, en visualisant une lumière rose émanant de mon cœur et m'entourant d'amour divin. Un maître Reiki est l'énergie de l'amour. À Kyoto, au Japon, j'ai eu le privilège de rencontrer Maître Hiroshi, un praticien Reiki de renom. Bien que le Reiki ne soit pas directement lié aux anges, Maître Hiroshi m'a expliqué comment il perçoit l'énergie de Shamuel dans sa pratique. L'énergie de l'amour universel que nous canalisons en Reiki, m'a-t-il dit, est très similaire à celle de Shamuel. Quand nous ouvrons nos cœurs à cette énergie, nous devenons des canaux pour l'amour divin, tout comme Shamuel. Il m'a enseigné une technique simple pour invoquer cette énergie d'amour, placer les mains sur le cœur, respirer profondément et visualiser une lumière rose rayonnant de notre poitrine vers le monde entier. Rencontre avec des professeurs de langue morte, une plongée dans la sagesse avec Shamuel. Ma quête pour mieux comprendre l'archange Shamuel m'a conduite à la rencontre de professeurs spécialisés en langues anciennes, des gardiens de la sagesse oubliée. À l'université de Heidelberg, j'ai eu l'honneur de rencontrer le professeur Schmidt, un expert en hébreu ancien, et le docteur Elena, une spécialiste du grec ancien. Ensemble, ils m'ont offert des perspectives fascinantes sur Shamuel à travers les âges. Shamuel a commencé le professeur Schmidt en feuilletant un manuscrit séculaire, dont le nom en hébreu pourrait être interprété comme « celui qui cherche Dieu », est une figure captivante dans la tradition mystique. Dans les anciens textes hébreux, Shamuel est parfois associé à la recherche de la divinité et à la quête de la connaissance divine, une quête qui transcende les simples relations humaines. Le docteur Elena a ajouté avec enthousiasme, dans les textes grecs anciens, bien que Shamuel ne soit pas directement mentionné, l'idée d'un guide spirituel qui oriente les âmes vers l'amour et l'harmonie est omniprésente. Les philosophes grecs croyaient en des forces divines qui nous aident à trouver la beauté et l'équilibre dans nos vies, des concepts qui résonnent profondément avec l'énergie de Shamuel. Nous avons parcouru les salles silencieuses remplies de rouleaux de papyrus et de parchemins délicats, où l'air semblait imprégné de sagesse antique. En touchant ces textes anciens, j'ai ressenti une profonde connexion avec Shamuel et une gratitude immense pour les enseignements qu'il offre à travers les âges. Le professeur Schmidt m'a révélé une prière ancienne retrouvée dans un manuscrit en hébreu, qu'il croyait être une invocation pour attirer l'énergie de Shamuel. Au divin chercheur, Shamuel, guide mes pas vers la lumière de la compréhension. Aide-moi à voir avec des yeux d'amour et à percevoir la beauté cachée dans chaque âme. Remplis mon cœur de paix et de compassion, et fais de moi un instrument de ton amour divin. Amen. Le docteur Elena m'a proposé une méditation utilisée par les philosophes grecs pour attirer l'harmonie et l'amour dans leur vie, une pratique qu'elle pensait être en accord avec l'énergie de Shamuel. Asseyez-vous en silence, les yeux fermés. Visualisez une lumière rose rayonnante émanant de votre cœur, enveloppant tout votre être. Répétez doucement, amour et harmonie, je vous appelle. Sentez la présence apaisante de Shamuel vous envelopper, vous guidant vers une paix intérieure et des relations harmonieuses. Cette plongée dans les langues mortes et la sagesse ancienne m'a offert une nouvelle compréhension de Shamuel et de son rôle en tant que guide vers l'amour et l'harmonie. Ces enseignements m'ont rappelé que la quête de l'amour et de la beauté est une aventure intemporelle, partagée par les âmes à travers les âges et les cultures. Témoignage d'amour retrouvé. Tout au long de mon voyage, j'ai rencontré des personnes dont les vies ont été transformées par l'intervention de Shamuel. Maria, une femme de 35 ans en Espagne, m'a partagé son histoire. Après des années de relations toxiques, j'ai prié Shamuel pour trouver l'amour véritable. Peu après, j'ai rencontré mon âme sœur d'une manière totalement inattendue. Je suis convaincue que c'était l'œuvre de Shamuel. John, un homme de 50 ans aux États-Unis, m'a raconté « J'étais en conflit avec mon fils depuis des années. Un soir, j'ai médité en invoquant Shamuel. Le lendemain, mon fils m'a appelé pour faire la paix. Ce fut le début d'une guérison profonde dans notre relation. » Réflexion finale. Ce voyage à la rencontre de l'archange Shamuel m'a profondément transformée. J'ai appris que l'amour, sous toutes ses formes, est la force la plus puissante de l'univers. Shamuel nous enseigne que l'amour véritable commence par s'aimer soi-même et s'étend ensuite à tous les aspects de notre vie. Chers amis, je vous invite à partager vos propres expériences avec Shamuel. Qu'il s'agisse d'une guérison relationnelle, d'un moment de profonde compassion ou d'une rencontre inattendue, vos témoignages peuvent être une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à cultiver plus d'amour dans leur vie. Ensemble, continuons à explorer les merveilles de l'univers angélique et à approfondir notre connexion avec ces êtres d'amour et de lumière. Prochain chapitre, Jophiel, l'archange de la beauté et de la sagesse. Chers amis, alors que nous concluons cette exploration de l'amour et des relations avec Chamuel, je suis heureuse de vous annoncer notre prochain voyage spirituel. Nous nous tournerons vers un autre archange dont l'énergie illumine nos esprits et nos cœurs, Jophiel, l'archange de la beauté et de la sagesse. Dans notre prochain article, nous plongerons dans l'énergie lumineuse de Jophiel, dont le nom signifie « beauté de Dieu ». Jophiel est l'ange qui nous aide à percevoir la beauté divine dans le monde et à rechercher la sagesse profonde. Préparez-vous à ouvrir vos esprits et vos cœurs à la lumière inspirante de Jophiel et à découvrir comment cet archange peut transformer notre perception de la vie et de la connaissance. À très bientôt, dans la lumière de la guérison et du bien-être divin.